Chapitre 74. La clémence, la pondération et la bienfaisance. Allah Ta'ala dit: qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Sourate 3, verset 134. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Sourate 7, verset 199. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Sourate 41, verset 34-35. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Sourate 42, verset 43. 632. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit à Hashaj Abdul Qais: « Tu possèdes deux qualités qu'Allah aime, la clémence et la pondération. » Muslim. 633. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: « Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses. » Al-Bukhari et Muslim. 634. D'après Aisha, radiyallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: « Allah est doux et il aime la douceur. Il donne à celui qui est doux ce qu'il ne donne pas à celui qui fait preuve de dureté ou toute autre qualité. » Muslim. 635. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: « La douceur n'est pas présente dans une chose sans l'embellir. Et inversement, la douceur n'est pas absente d'une chose sans l'enlaidir. » Muslim. 636. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'un bédouin urina dans la mosquée. Les gens se levèrent alors pour le réprimander, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit: « Laissez-le, et versez un seau d'eau sur son urine, car vous n'avez été envoyé aux hommes que pour rendre les choses faciles, non pour les rendre difficiles. » Al-Bukhari. 637. Selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: « Rendez les choses faciles, et ne les rendez pas difficiles. Donnez espoir, et ne rebutez pas les gens. » Al-Bukhari et Muslim. 638. Jarir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: « Celui qui a été privé de douceur a été privé de tout bien. » Muslim. 639. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, « Donne-moi un conseil. » Il dit: « Ne te mets pas en colère. » L'homme réitéra sa demande, obtenant à chaque fois la même réponse: « Ne te mets pas en colère. » Al-Bukhari. 640. D'après Abu Ya'la, Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Aussi, lorsque vous tuez, faites le bien, et lorsque vous égorgez un animal, faites le bien. Aiguisez le couteau et soulagez l'animal. » Muslim. 641. Selon Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a jamais eu à choisir entre deux possibilités sans opter pour la plus aisée, sauf s'il s'agissait d'un péché, auquel cas il en était le plus éloigné. De même, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, ne s'est jamais vengé de quelqu'un pour lui-même, mais uniquement si les limites sacrées d'Allah étaient transgressées, auquel cas Il se vengeait pour Allah Ta'ala. Al-Bukhari et Muslim. 642. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Voulez-vous que je vous indique celui qui sera interdit à l'enfer ?» Tout homme aimable, modeste, doux et indulgent. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».